Haute fréquence, Catherine Erard. Nous vous emmenons ce soir à Tunis à la rencontre d'étudiants en théologie musulmane dans la plus vieille université coranique, la Zaytouna. Sa recherche de fin d'année et je suis contre le terrorisme. Ah, c'est votre recherche de fin d'année, ça? C'est ce que vous tenez dans les mains, ce dossier? Non, c'est notre dossier. Concept de terrorisme et comment lutter contre ce terrorisme aujourd'hui. La voix d'une étudiante de la Zaytouna de Tunis, une visite que nous propose Tristan Miquel. Comment le cursus de cette université s'adapte-t-il aux défis que pose le fondamentalisme musulman? C'est la question centrale que nous abordons ce soir. Et après la Tunisie et l'islam, on va s'intéresser en seconde partie d'émission au canton de Vaud et aux églises évangéliques, qui retardent encore une fois la signature d'une convention avec l'État. En cause notamment la question de l'homosexualité. On reçoit tout à l'heure le président de la Fédération évangélique vaudoise, Olivier Crétény. Bienvenue dans Haute Fréquence, une proposition de la rédaction RTS Religion. L'olivier est un arbre à la longévité impressionnante puisqu'il peut être millénaire. Et olivier, en arabe, eh bien ça se dit Zaytouna. Zaytouna, c'est aussi le nom de la plus célèbre mosquée tunisienne et de son université qui porte bien son nom puisque c'est la plus vieille du monde arabo-musulman. Tristan Miquel, bonsoir. Bonsoir Catherine. L'université Zaytouna, une institution qui a traversé les siècles et qui a vécu des évolutions importantes depuis la révolution tunisienne. Oui, mais alors imaginez-vous, elle a été fondée en 737. Elle serait plus ancienne que ses célèbres consoeurs Al-Azhar, bien sûr, en Égypte, et Al-Qarawiyyin de Fès. Donc la Zaytouna, c'est vraiment un établissement de référence dans l'enseignement de l'islam. Alors, autre précision, c'est une université coranique publique, environ 1500 étudiants, et qui manque, disons-le, de moyens. Alors vous vous y êtes rendu, à quoi est-ce qu'elle ressemble cette université? Alors c'est un bâtiment blanc ocre avec une architecture, on va dire, typiquement arabe. Le bâtiment est plutôt récent puisque désormais séparé de la mosquée. C'est au sud-ouest de Tunis, dans le quartier de Montfleury, contigu à la Médina que je vous emmène. Il est tôt, mais il fait déjà très chaud, nous sommes en plein ramadan, on longe la grande place, monte les marches qui donnent sur l'imposante porte de l'université, mais on prend un petit couloir sur le côté qui nous emmène sur une cour intérieure où nous attend Monja Swahi. Elle est professeure d'exégèse coranique et de sciences islamiques. Les examens sont finis. D'accord. Vous n'avez pas choisi le bon moment. Et peut-être racontez-moi un peu où nous sommes ici. Nous sommes dans l'Institut supérieur de théologie. C'est un institut parmi trois institutions qui sont sous la Zaytouna. C'est l'Institut des civilisations, l'Institut des recherches à Qiran et l'Institut supérieur de théologie. Là, on est où? On est dans une grande cour intérieure, il y a une petite fontaine. Où est-ce qu'on est? On est dans la cour. Là, il y a la bibliothèque. Ça, c'est la bibliothèque. Ici, ce sont les classes. Ici, c'est l'administration. Ça, c'est une grande salle où se déroulent les soutenances, les conférences. Toutes les manifestations se passent presque dans cette salle-là. Mais les élèves, ils sont où en ce moment? Ils sont en vacances parce que les examens sont terminés. Ils ne sont pas. Il y a quelques étudiants. Je ne sais pas. On va voir ces deux étudiantes. Bahrir Benet. هذا راديو هذا صحفي يخدم في الامور الدينيه جيت للجامعه على خاطر عندي بحث تخرج elles sont là parce qu'ils ont une recherche de fin de l'année donc ils viennent dans la bibliothèque pour terminer leur recherche et pour donner leur recherche au professeur. Et qu'est-ce que vous étudiez? شنو تقرا قال troisième année théologie. Et pourquoi avoir choisi la Zaytouna? علاش قال لك ايجي ايجي ايجي تنجم تكلم ايجي ايجي ايجي قال لك علاش انت اخترت الزيتونه باش نتعلم يعني الدين بتاعي على قاعدة، باش يعني نفهم العباد انه مش الدين المتطرف عفوا قد كما جي اشوازي لا زيتونا باسكو كيل فو ابروندر لو فري لا فري لا فري ريليجيون اي لو فري سونس دي فيرسي كورانيك دو لا ريليجيون اسلام. Moi, je veux que vous parliez. Oui, oui. Et à la خاطر فما رؤية نيجاتيف على يعني على الفاكهة دي بالذات وعلى الإسلام. Très bien. Elle vous dit parce qu'il y a une mauvaise vision contre la zaytouna et contre l'islam. Donc notre université, c'est une université ouverte. Elle enseigne toutes presque les modules qui appartiennent à l'islam ou qui n'appartiennent pas à l'islam. Elle vous dit que on est arrivé à un moment quand on dit théologie, c'est égal à terroriste. أنا أصل عامل بحث تخرج على الإرهاب. أنا ضد الإرهاب. Sa recherche de fin d'année et je suis contre le terrorisme. Ah, c'est votre recherche de fin d'année, ça? C'est ce que vous tenez dans les mains, ce dossier? Non, c'est notre dossier. C'est notre dossier, oui. Je suis contre le terrorisme. Contre le terrorisme. Oui, oui. Ma foi. Concept de terrorisme et comment lutter contre ce terrorisme aujourd'hui? Aujourd'hui. Mais on va peut-être laisser ces dames aller travailler parce que si elles doivent finir leur mémoire. Bon, bah, courage hein, pour cette fin d'année. Hein. Ces deux étudiantes parlaient de l'image qu'a la Zitouna, que véhicule la Zitouna. Quelle image a la Zitouna? L'image de la Zitouna, pour les étudiants, pour nous aussi, notre université, la Zitouna, comme je dis, c'est un patrimoine, c'est une université aujourd'hui ouverte qui est en train d'augmenter petit à petit. Oui, oui. Mais qui a une santé fragile encore. Parce que après la révolution, vous savez, avant la révolution, la Zitouna était vraiment, elle n'a pas eu de soutenance, elle n'a pas eu de la part de la politique. Pas de suivi. Pas de suivi. Pas de soutien. Non, pas de soutien. Aujourd'hui, presque c'est la même chose. Les professeurs, le recteur, les doyens, les étudiants, ceux qui travaillent ici, c'est eux qui bossent pour le développement de leur université. Oui. Mais pourquoi vous trouvez un problème du français? Parce que l'enseignement est en arabe. Les recherches sont en arabe. Il perd le français. Oui, c'est vrai que vous m'avez devancé, mais c'est vrai que le niveau de français est pas très bon. Il y a aussi des étudiants qui refusent cette langue parce qu'ils disent que c'est une langue de colonisation. Ouais. C'est psychique. En tout cas, beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup de femmes, et tous les voiles possibles, hein, du niqab au foulard. Oui. Il y a tout, bon, c'est pareil. Du niqab, du foulard, des pantalons, c'est la diversité. Tristan Miquel, vous étiez en compagnie de Mangia Souahi, professeur d'exégèse coranique et de sciences islamiques à la Zaytouna. Vous avez rencontré beaucoup d'étudiantes, beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes, après leur diplôme comme travail? En tout cas, pas imam, hein, mais beaucoup veulent travailler dans l'enseignement ou la culture musulmane. Mais c'est vrai que c'est pas très très clair, mais c'est vrai, beaucoup beaucoup de femmes, et ça m'a marqué. Et les profils sont très variés. Mangia Souahi parlait du voile, c'est vrai qu'il y a une grande diversité, alors que ce soit au niveau culturel ou social. Mais alors, pour bien comprendre l'évolution de cette institution depuis sa renaissance sous Ben Ali, parce qu'elle avait été un peu mise au banc hein, sous Bourguiba, j'ai rencontré Iqbal Garbi, elle est professeure de psychologie à la Zitouna. Son parcours résume bien l'évolution et les tensions qu'a connues l'institution ces deux dernières décennies. Iqbal Garbi. J'ai préparé un doctorat d'anthropologie à l'université René Descartes, à la Sorbonne, Paris 5. Et dès mon retour en Tunisie, j'étais encouragée par la réforme du ministre de l'enseignement supérieur, Monsieur Mohamed Charfi, qui voulait réformer l'enseignement religieux et réconcilier justement l'éducation religieuse avec les acquis modernes, avec nos valeurs universelles. Ceci m'a incitée à intégrer l'université Zitouna. C'est une université qui est une université théologique, religieuse. C'est la plus ancienne des universités dans le monde musulman. Elle est plus ancienne que l'Azhar, plus ancienne que le Qaraouine au Maroc. Et donc, j'ai intégré l'université Zitouna en tant que professeur de psychologie et d'anthropologie. Une université très ancienne, vous l'avez dit, et aussi stratégique, ça, ça vous intéresse ? Exactement. L'université Zitouna a une position stratégique en Tunisie et au Maghreb, parce que l'enjeu historique actuellement, c'est de former des musulmans apaisés, sereins, réconciliés avec leur monde, avec la modernité, en harmonie avec les valeurs universelles, avec les valeurs des droits de l'homme, de l'égalité du genre, de l'égalité homme-femme, des droits des enfants. C'est ça l'enjeu actuel. Si on prend la première étape, votre arrivée, cette réforme de Mohamed Charfi, dans quel contexte on était? Quelles étaient les tensions? Je suis arrivée donc à l'université de Tourna, c'était en 1993-94, et il y avait bien sûr les tensions entre des tensions entre les traditionnalistes et les libéraux, c'est-à-dire les libéraux qui ont une lecture progressiste, égalitaire, moderne de l'islam, et les traditionnalistes qui étaient fixés dans une lecture littérale du texte sacré. Donc, on a essayé d'enseigner des matières entre guillemets modernes comme les droits de l'homme, la religion comparée, histoire des religions, anthropologie religieuse, psychologie, pédagogie, philosophie, avec les disciplines traditionnelles, anciennes, théologiques comme l'exégèse, le hadith. On imagine qu'il fallait jongler un peu avec ces différentes pratiques, mais c'était une époque, on s'en doute, captivante pour vous. Exactement. Bon, au début, il y avait une certaine réticence de la part et des professeurs et des étudiants, parce que certains étudiants, par exemple, me disaient souvent « Nous sommes ici pour étudier des matières traditionnelles, les matières anciennes, les matières théologiques. Nous ne sommes pas ici pour étudier la psychologie, par exemple. » Parce que vous êtes, on le rappelle, la première professeure, la première enseignante femme de psychologie à la Zitouna. Exactement, exactement. Mais je leur disais que, étant donné qu'ils étaient formés pour devenir des professeurs d'éducation religieuse et des prédicateurs, ils avaient besoin de la psychologie pour comprendre la structure psychique de leurs élèves et de leurs disciples, et que l'anthropologie leur permettrait d'avoir accès à l'universel, c'est-à-dire aux invariants structurels qui nous unissent tous, quelles que soient nos religions, nos traditions, nos rites. Il y a quelque chose de commun qui nous unit, qui unit tous les humains. Cette question des matières enseignées, c'est une question cruciale pour comprendre les tensions, peut-être comprendre les enjeux aussi au sein de l'université. Peut-être peignez-nous un peu ce paysage des matières. Quelles sont les matières sensibles et les matières qui font débat, pour bien qu'on comprenne quels sont les enjeux? Toutes les matières sont sensibles. Parce que, bien sûr, il y a des matières modernes qui sont parfois contestées par certains étudiants, certains partis extrémistes comme la philosophie, comme la psychologie, comme les droits de l'homme. Elles sont perçues comme étant contraires à la charia, par exemple. Mais au fait, toutes les matières sont sensibles parce qu'il s'agit de la manière d'enseigner l'histoire musulmane, par exemple. La manière d'enseigner l'interprétation. Tout le monde sait que le Coran, comme tous les textes religieux, sont interprétables. C'est plein de métaphores, c'est plein de, c'est-à-dire d'images qu'on peut interpréter à l'infini. Donc toutes les matières sont sensibles, en fait. C'est ça, parce que même les matières qui sont, par exemple, l'enseignement des hadiths, par exemple, c'est pas une matière moderne, mais il peut y avoir une interprétation moderne. Exactement. On peut utiliser les outils épistémologiques modernes comme la linguistique, comme l'archéologie, comme l'anthropologie, comme l'histoire comparée pour enseigner ces matières dites anciennes. Donc les hadiths, on le précise, hein, ce sont les paroles du prophète. C'était Iqbal Garbi, professeur de psychologie dans cette université. Ce qu'elle dit, c'est que finalement, la Zitouna, elle doit se situer entre tradition, entre sa longue histoire et la modernité. C'est pas simple. Oui, voilà, et regard partagé hein, par Reda Benkiran, sociologue suisse, co-directeur d'Iqbal. Alors Iqbal, c'est un atelier de recherche pour une pensée critique et créatrice en islam. Alors je l'ai sollicité pour avoir un regard un peu extérieur hein, sur l'évolution de la place de la Zaytouna dans la société tunisienne. Les réformes lancées par la présidence de Bourguiba ont diminué un petit peu le rôle traditionnel. Dans les années 60, son rôle était, si vous voulez, était intégré comme une des branches de l'université de Tunis. Ensuite, à la faveur de l'arabisation des années 70 et 80, il y a eu besoin de moderniser un petit peu cette université. Et c'est, je pense, aujourd'hui tout l'enjeu de son devenir actuel. C'est un peu son rattachement, disons, au système universitaire national, mais aussi, le défi aussi de penser des nouvelles questions religieuses qui sont plus en lien avec, la géopolitique, avec l'économie, les relations internationales, le contexte moyen-oriental, les révolutions arabes, le jihadisme. Donc toutes ces questions qui ne sont pas inscrites dans un cursus traditionnel. Le terrain de bataille, c'est évidemment les matières. Et donc là, on voit un mélange entre finalement sciences islamiques, sciences humaines et sciences sociales. Compliqué de définir un programme moderne et en même temps traditionnel. C'est un peu ça le défi de cette institution. C'est un défi qui est non seulement très difficile à faire dans le monde arabo-musulman, en Afrique du Nord, et surtout dans cette période, c'est très très difficile, mais c'est un défi aussi pour toutes les universités de sensibilité religieuse ou bien les universités, catholiques ou dans le monde évangélique. Je pense que c'est par définition extrêmement difficile et que c'est tout l'enjeu de la phase actuelle qui est aussi une phase un peu de démocratisation. Bon, la Tunisie semble le seul pays qui, jusqu'à présent, semble plus ou moins s'en sortir suite au processus de révolutionnaire. Tous les autres pays de la région subissent un retour de l'autoritarisme extrêmement impressionnant et la violence. La Tunisie n'échappe pas à la violence. Donc ce n'est pas évident de mener un travail de fond, hein, une réforme de l'enseignement. Ça demande du temps, ça se déploie sur des décennies. Et bon, je pense que les choses vont dans le sens souhaitable. La Zaytouna qui opère une mutation, certes lente, mais une mutation est bien en cours. C'était le sociologue Reda Benkiran. Tristan Mikel, la période qui a suivi la révolution tunisienne en 2011, elle a été très compliquée pour cette institution. Oui, l'université revient de loin, car le désordre politique et religieux qui a suivi le soulèvement aurait pu faire tomber la Zaytouna entre les mains de fondamentalistes, notamment le Dominis Wahhabite par exemple, donc cet islam rigoriste issu d'Arabie Saoudite. Iqbal Gharbi s'en souvient, une période douloureuse. Il y a eu la fameuse révolution tunisienne qui était vraiment un cri de liberté qui a uni tout le monde. Durant les manifestations, les slogans étaient seulement « dignité et liberté ». Surtout liberté. Donc vraiment, ça a concrétisé que la racine qui unit tous les humains, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur tradition, c'est la liberté, c'est l'essence commune qui nous unit tous. Malheureusement, il y a eu beaucoup de régimes réactionnaires qui étaient contre la révolution tunisienne. Il y a eu aussi des partis rétrogrades, réactionnaires qui étaient aussi contre la révolution tunisienne et qui ont financé des courants islamistes radicaux pour faire avorter la révolution tunisienne. Et ça s'est senti concrètement sur les universités, notamment la Zaytouna. Bien sûr, ça s'est répercuté surtout dans les universités, parce que les universités ont toujours été des espaces de réflexion, des espaces de liberté, des espaces de la construction du sens critique. Donc l'université Zaytouna a subi justement ces pressions réactionnaires et certains étudiants ont refusé de suivre les enseignements de psychologie, d'anthropologie, de philosophie. Certains étudiants ont exigé que les enseignantes, que les professeurs femmes soient voilées pour pouvoir enseigner à la Zaytouna. Il y a eu des tensions, des violences. On essayait d'expliquer, de réfléchir ensemble, de convaincre ces jeunes étudiants. On sort un peu du cadre universitaire, mais vous avez été pressenti à l'époque pour diriger Radio Zitouna, enfin plutôt Zitouna FM, qui est une radio d'État tunisienne islamique. Et là, on est en 2011, si je ne m'abuse, levée de bouclier. On ne veut pas de femmes à la tête de cette radio et on ne veut pas aussi peut-être d'exégètes modernes ou de professeurs modernes en matière d'islam. Exactement. Donc en 2011, j'étais nommée par le gouvernement de l'époque en tant que directrice de la radio du Coran, la radio Zitouna. C'était dans le cadre d'une réforme générale du discours religieux en général, mais j'ai été c'est-à-dire attaquée par un comité tunisien de la lutte contre le vice, de la promotion de la vertu. Ils sont rentrés dans votre bureau, hein, vous menacez. Oui, on m'a demandé de c'est-à-dire, c'était vraiment un tribunal d'inquisition moderne où on était en même temps juge et inquisiteur. Qu'est-ce qu'on vous reprochait ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils sont rentrés dans votre bureau ? Le fait d'avoir étudié à la Sorbonne, d'être une femme, de ne pas être voilée, de mes écrits sur le voile, par exemple, ma lecture d'un islam féministe, ma réhabilitation de l'histoire des femmes en islam. Ils avaient tout un dossier sur moi, ils étaient très organisés. On m'a même proposé de l'argent pour rester chez moi. Donc un peu de crainte quand tout d'un coup vous voyez arriver presque une milice dans votre bureau faire ce procès. Une milice religieuse alors que la Tunisie n'a jamais connu justement cette institution wahhabite de la Hesba, du comité de la promotion de la vertu, de la lutte contre le vice. Durant toute l'histoire de la Tunisie, on n'a jamais connu ce genre de milice religieuse. C'est une milice wahhabite, purement wahhabite, qui a envahi mes bureaux et qui m'ont attaqué. Ça, là, on est en 2011, donc un certain chaos, on pourrait dire ça comme ça, qui règne autour de ce milieu universitaire notamment. Exactement, le milieu universitaire était la cible des salafistes, était la cible d'islamistes radicaux qui avaient une vision réactionnaire de l'islam, une vision rétrograde, une vision anachronique de l'islam contre justement un effort de réflexion, un effort intellectuel d'ijtihad de l'école tunisienne, des islamologues tunisiens. Iqbal Garbi, professeur de psychologie à l'université Zaitouna, elle évoquait pour terminer l'ijtihad, donc cet effort d'interprétation de l'islam pour l'adapter au contexte dans lequel on vit. On sent que la menace est nettement moins présente aujourd'hui, mais pour bien comprendre, Tristan, quel a été le positionnement de la Zaitouna durant cette période trouble de la révolution tunisienne? Bon, alors c'est vraiment très très compliqué, hein, mais je vais vous donner un exemple. L'ancien recteur de la Zaitouna, en place entre 2011 et 2014, donc post-révolution, Abdeljalil Ben Salem, est par la suite devenu ministre des Affaires religieuses de la Tunisie. Et il a été licencié en 2016 pour avoir osé dire publiquement aux autorités saoudiennes, je cite, « réformez votre école car le terrorisme historique vient de là ». Donc raison du limogeage, atteinte au principe de diplomatie, on ne froisse pas les puissants saoudiens. Ah, mais lorsqu'il était, voilà, lorsqu'il était recteur, par contre, en 2011 donc, il avait dit ceci, « l'heure est à l'islam politique modéré, nous sommes persuadés que Dieu nous fera vaincre et que l'islam politique s'emparera de chaque foyer ». Donc une opposition au wahhabisme, mais en même temps, en vous écoutant, on a l'impression qu'il y a un soutien à Ennahda, disons-le clairement, donc cette force politique qui est très importante au Parlement, qui fait partie de la coalition gouvernementale tunisienne actuelle. Oui, ben voilà, c'est un peu ce qu'on ressent à la Zitouna, hein, c'est-à-dire oui à un islam politique, mais non à un fondamentalisme violent. D'ailleurs, la direction de l'université fait désormais très attention à la sélection de ses enseignants et de ses élèves. Et j'ai rencontré Hichem Grisse, le recteur de l'université. Pour les personnes qui ont poursuivi des études, même par exemple dans les pays du Golfe, donc nous, on n'autorise que les personnes qui ont des diplômes délivrés par des universités donc du pays du Golfe. Donc ces universités, ils ont des programmes officiels bien définis par des commissions spécialisées scientifiques, etc. Donc c'est une garantie pour nous que ils ont suivi des formations et bien encadrées, donc bien bien définie. Donc, nous n'acceptons pas des personnes qui ont poursuivi des études dans des associations ou dans des structures privées. Quelle vision vous avez de ce qui se passe autour de vous en dehors de la Zitouna, que ce soit à la frontière avec la Libye ou des jeunes Tunisiens qui seraient tentés de se radicaliser et de rejoindre des organisations terroristes? Quelle vision vous avez, vous, de ce qui se passe en dehors de la Zitouna? Si vous voyez par exemple les leaders ou les personnes qui font partie donc de ce qu'on appelle Daesh, donc l'État islamique, vous ne trouvez pas des personnes qui ont étudié ici à l'université. Donc ce sont des personnes qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas poursuivi des formations ici à l'université Zitouna. Hichem Grisseux, recteur de l'université, on l'a bien compris, la Zaïtouna fait très attention à qui elle accueille et se veut vraiment un rempart contre l'extrémisme. Oui, Tristan. Mais il y a un pas supplémentaire à faire, hein. De l'aveu même d'Iqbal Garbi, ce pas, eh bien, c'est la hausse du niveau de l'enseignement pour les élèves et une meilleure formation des professeurs. Et ça, c'est crucial. C'est le rôle des universités de construire l'esprit critique et de former des prédicateurs, non pas schizophrènes, mais des prédicateurs en harmonie avec leur monde. Parce que si on enseigne, par exemple, que dans les écoles traditionnelles, dans les lycées, que l'intérêt est interdit, est haram, alors que tout le monde moderne, toutes les banques, tout le monde financier travaille avec l'intérêt. Par exemple, si on enseigne que le califat, c'est le régime idéal. Or, actuellement, nous savons très bien qu'il n'y a plus de place de califat. Le monde moderne est basé sur la coexistence pacifique, sur le vivre ensemble, sur des relations diplomatiques entre tous les États. Si on enseigne que la femme est inférieure à l'homme, alors que actuellement, toutes les constitutions modernes stipulent que tous les sujets sont égaux, que tous les citoyens sont égaux. Nous allons former des gens schizophrènes. Ils étudient des textes anachroniques, anti-historiques, et ils vivent dans un monde moderne avec des valeurs universelles. Ces schizophrènes, bien sûr, vont former les futurs terroristes. Si on réussit à transmettre une lecture humaniste de l'islam, c'est la seule solution contre le radicalisme et le djihadisme. Ça veut dire que finalement, cette réforme de Mohamed Charfi, elle n'a jamais été terminée. Elle était inachevée. Elle n'a jamais été terminée parce qu'il y avait un climat aussi politique de dictature qui n'a pas laissé la possibilité d'avoir des espaces de réflexion, des espaces de débat public, des espaces de communication, comme le dit Habermas. Donc la dictature n'a pas permis cela. C'est pour ça que la réforme de Mohamed Charfi est toujours une réforme inachevée. À la Zitouna, on a encore cette dissension maintenant, cette séparation entre des professeurs, peut-être des élèves, qui souhaitent un enseignement peut-être plus conservateur, rétrograde, pour utiliser d'autres mots, et d'autres, comme vous, plus modernes et plus progressistes. Bien sûr, parce qu'il y a plusieurs lectures de l'islam. À la Zitouna ou ailleurs, il y a toujours l'islam est pluriel. Donc on aura toujours des lectures libérales et des lectures rétrogrades, comme de toutes les religions d'ailleurs. Ce n'est pas propre à l'islam. Oui, mais vous militez pour un islam progressiste. Donc comment faire que, par exemple, pour prendre un événement, pour prendre un établissement emblématique comme la Zitouna, on arrive vers un enseignement progressiste? On n'y arrivera jamais, vous dites? Non, pourquoi? Au contraire, moi je suis optimiste, on y arrivera. Nous sommes dans le sens de l'histoire. Donc c'est la lecture humaniste, c'est la lecture progressiste qui va vaincre, Inch'Allah. Reda Benkiran, la grande inquiétude, j'ai envie de dire, des personnes rencontrées sur place, c'est le wahhabisme des pays du Golfe. C'est la grande inquiétude notamment du recteur de l'université de la Zaïtouna, mais aussi des professeurs. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il y a une menace, une pression de ces pays du Golfe et de ce courant wahhabite? C'est c'est une concurrence religieuse. Bon, on peut le percevoir comme une menace, elle l'est, et c'est là où, justement, le défi qui est posé aux universités islamiques traditionnelles, comme la Zitouna, la Qaraouine et d'autres, l'Azhar, c'est justement de proposer une réponse théologique qui puisse être un contre-projet, être une alternative à l'offre théologique qui est wahhabi, qui est faite pas simplement par la force d'une pensée ou la richesse de l'argumentation, mais aussi à coup d'investissements massifs dans des institutions culturelles, des institutions scolaires, des équipements sociaux, pas simplement en Afrique du Nord, mais dans tout le Sahel. Et on ne peut pas comprendre l'expansion du wahhabisme si on ne voit pas toute l'économie qui est derrière. Et des pays comme le Maroc, notamment, par exemple, essayent maintenant, vous avez peut-être entendu parler de cette nouvelle institut de formation des imams qui essaye de proposer une offre théologique moderne qui combine justement toute la défense du patrimoine religieux traditionnel tel qu'il a été pratiqué selon le rite malikite, donc dominant en Afrique du Nord et au Sahel, avec des sciences sociales, avec de l'anthropologie, avec de la sociologie politique, avec de l'histoire, et c'est cet aspect dynamique qui est un enjeu. Et je pense que c'est vraiment le défi. Reda Benkiran, sociologue suisse, co-directeur d'Iqbal. Iqbal, c'est un atelier de recherche pour une pensée critique et créatrice en islam. Tristan Mickel, on arrive au terme de ce dossier. Votre sentiment, est-ce que cette université Zaitouna à Tunis, est-ce qu'elle a non seulement la volonté, mais les moyens de faire face à la force du wahhabisme ou des courants fondamentalisme de l'islam ? Catherine, je dirais que la volonté, oui, il y a la volonté de bien faire. Les moyens, clairement, ne sont pas suffisants. L'université, je dirais, n'a pas forcément les moyens de sa responsabilité. Et je conclurai comme ça, être un rempart, c'est bien, encore faut-il en avoir les moyens.